France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. La façade, l'acoustique, la couleur des fauteuils par rapport aux toilettes des femmes, les corbeilles pour y placer les jolies femmes en question et les portes fermées au début du spectacle pour empêcher les spectateurs retardataires de gêner les autres très à l'heure. Il y a 100 ans. 100 ans lorsque fut inauguré le théâtre des Champs-Élysées. Et aussi il y a 50 ans pour le donc 50e anniversaire de ce lieu mythique dont l'adresse 15 avenue Montaigne à Paris est à elle seule tout un programme. Musique, mais aussi violence. Première diffusion de la deuxième émission de la série consacrée au théâtre des Champs-Élysées, c'était le 28 mars 1963 sur la chaîne France 3 Nationale. Du concert inaugural au ballet Yos. À l'occasion du 50e anniversaire du théâtre des Champs-Élysées, RTF France 3 Nationale présente 15 Avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Aujourd'hui, du concert inaugural au Ballet Yos, avec Lucien Astruc, Georges Auric, Henri Barrault, Pierre Bertin, Gabriel Bouillon, Jean Cocteau, Marie Dormoy, Michel Dufay, Jacques Héberto, Engelbrecht, Serge Liffard, Manuel Rosenthal, Claude Rostand, Arthur Rubinstein, Henri Sauguet et Ossip Zadkine. Présentation et réalisation, Pierre Barbier. Au cours de notre précédente émission, nous avons vu le théâtre se construire. Le voici donc, tout neuf, premier théâtre au monde construit en béton armé, ce nouveau matériau. Décoré presque entièrement par Bourdelle et Maurice Denis pour la grande salle et par Vuillard et Roussel pour la petite salle de comédie attenante. Aujourd'hui encore, des témoins vont évoquer quelques-unes des grandes heures de ce théâtre. Pas toutes, bien sûr. Simplement celles qui ont le plus marqué et restent encore dans le souvenir comme des étapes importantes du développement artistique. Rien de didactique dans l'exposé. On bousculera un peu la chronologie, s'attardant quelquefois sur un point, ainsi qu'il arrive dans une conversation impromptue, sautant, en apparence avec désinvolture, par-dessus tel événement, mais qu'importe. Puisque, au cours des prochaines émissions, nos témoins feront retour en arrière avec la même liberté. Nous voudrions seulement que tous ceux qui nous écoutent sachent bien qu'ici, 15 avenue Montaigne est un lieu élu où l'esprit a soufflé parfois en tempête. Mais revenons à notre début. Au soir de l'inauguration, la maison est prête. Enfin, pas tout à fait prête, dit Lucien Astruc, qui dialogue avec Claude Rostand. La maison était à la fois prête et avec des défaillances qui ont été admirablement camouflées par Bourdelle le premier, qui, 4 jours avant l'inauguration, a écrit à mon père en lui expliquant que 4 fresques de l'atrium seraient à placer un peu plus tardivement, c'est-à-dire 3 semaines plus tard, mais que ça n'avait en réalité aucune importance parce que 4 rideaux de velours suppléeraient aux fresques absentes. Et alors, on a inauguré le... Quel jour du mois de mars? On a inauguré le 31 mars par une représentation de Benvenuto Cellini. La seconde inauguration, si on peut dire, a eu lieu le 1er avril avec le Freischütz de Weber et le 2 avril, le concert paradoxalement inaugural, car c'est toujours à ce concert qu'on fait allusion quand on parle de l'ouverture du Théâtre des Champs-Élysées, a eu lieu 2 jours après l'inauguration de fête. Vous vous rappelez, peut-être, ce sont des bien vieux souvenirs, sans doute, quand on a essuyé les plâtres de cet illustre théâtre, quelle impression vous en est restée? L'impression qui m'en est restée, et que je devrais peut-être, sur le plan qui nous occupe, intitulée « Son et lumière », serait beaucoup plus véridique si elle était « Odeur et lumière », car mon enfance a été extrêmement frappée par l'odeur de ce théâtre tout neuf, où le velours cramoisi qu'on voit aujourd'hui ici, si délabré, l'odeur du bois, l'odeur des coulisses mêlées dans une salle que j'avais évidemment affrontée alors qu'elle était vide et que nous étions arrivés les premiers avant l'affluence, est une chose très inoubliable et d'ailleurs assez rare. On a rarement l'occasion de visiter un théâtre neuf. Il n'y a pas tant de théâtres neufs. En dehors de ça, la lumière m'avait laissé une impression. Non pas parce que j'étais une enfant, parce que tous les gens qui ont assisté à cette inauguration se rappellent certainement que la Tour Eiffel, qui ne jouait pas du tout alors le rôle que nous sommes tellement habitués à lui voir jouer depuis, qu'il nous semble tout à fait naturel, elle n'était rien que le porteur d'un projecteur. Et cette lumière d'une puissance extraordinaire n'avait jamais été dirigée sur Paris. L'année suivante, elle allait servir à dépister dans le ciel ce qu'on appelait alors les taubes et qui avait pour dessein de bombarder Paris. Mais en 1913, mon père avait obtenu du conseil d'administration Eiffel de faire diriger sur la façade de Bourdelle un rayon absolument implacable et qui mettait dans une lumière éblouissante et qui allait servir d'ailleurs les critiques des gens qui y voyaient non seulement une manifestation de l'art munichois, mais presque une espèce de métropolis, pour anticiper un peu, qui allait projeter une lumière extraordinaire sur toute cette soirée. L'opposition était d'autant plus grande qu'à l'intérieur du théâtre, une des qualités de la lumière était d'être parfaitement tamisée, et qu'aussitôt qu'on sortait, on tombait dans cette blancheur éclatante. Eh bien maintenant, entrons. Marie Dormoy, quel est le programme de cette soirée, de ce concert inaugural ? Le 2 avril, le concert que l'on compte donner cette année, qui avait comme programme à la musique d'Emmanuel Chabrier et le scherzo symphonique de Lalo, tous les deux dirigés par Engelbrecht. Et puis alors après venaient des œuvres dirigées par leur auteur eux-mêmes, avec Saint-Saëns qui a dirigé Phaéton et des fragments de la lyre et de l'harpe, Debussy qui a dirigé le prélude à l'après-midi d'un faune, Vincent d'Indy qui a dirigé la première partie de Wallenstein, Fauré la naissance de Vénus, et ça se terminait par Ducasse qui a dirigé son apprenti sorcier. Alors c'était vraiment un programme extraordinaire et un choix de musiciens enfin remarquable. Je me tourne maintenant vers Claude Rostand et Lucien Astruc. Je crois que ce fameux soir du Sacre du Printemps, le spectacle n'était pas seulement sur la scène, il était aussi dans la salle. Oui, il était dans la salle ce soir-là et depuis le jour même de l'inauguration où mon père, ayant créé des fauteuils de corbeille et des loges de corbeille, avait voulu donner à ce mot de corbeille leur sens littéral, à savoir que les femmes étaient vraiment présentées comme des fleurs dans un bouquet et que notamment au fauteuil de corbeille, il avait eu le soin malin de présenter une brune, une blonde, une brune, une blonde, alternée, ce que lui rendait possible le fait d'inviter des gens à une générale. D'ailleurs, Gabriel Astruc n'a pas lancé que le quartier, il a lancé certaines idées qui ont fait fortune et qui étaient fort nécessaires dans la vie théâtrale. Par exemple, je crois que quelqu'un d'autre vous en a déjà parlé, ce mot de corbeille qui a été inventé par lui pour y placer les jolies femmes de la société parisienne. Et puis il y a aussi une autre initiative qui a été bien utile, c'est celle qui consiste à fermer les portes au début des actes pour empêcher qu'on se fasse piétiner et que les gens fassent du bruit quand ils arrivent en retard. C'est hélas une idée qui n'est plus toujours respectée de notre temps. Maintenant, nous allons demander aux musiciens de nous parler de ce programme. Engelbrecht, vous étiez au pupitre. Il y avait d'abord Saint-Saëns, qui avait été très sévère avec moi, parce que il était arrivé un jour, une demi-heure avant la répétition, j'étais monté en avance, comme je le faisais d'habitude dans le studio, et je vois Saint-Saëns, j'étais très ému, naturellement. Alors il me dit, qu'est-ce que vous êtes, vous? Je lui ai dit, maître, je suis le chef d'orchestre. Alors, pourquoi vos musiciens ne sont pas là? Il a été insupportable jusqu'à ce que l'orchestre arrive, parce qu'il pensait que du moment qu'il lui était là, à 1h15 ou 1h30, ça devait commencer. Et puis, avec Saint-Saëns, il y avait Paul Ducasse, il y avait Fauré, il y avait Debussy, et Dindy, Il y avait naturellement deux musiciens qui ne vivaient plus, c'était Lalo et Chabrier. Et c'est ainsi que m'était échu de diriger leurs œuvres et surtout d'inaugurer cette maison par l'ode à la musique de Chabrier, que je considère encore maintenant un peu comme la prière des musiciens. Une œuvre qu'on connaît très mal, que j'ai eu la joie de connaître très tôt, et que j'ai toujours éprouvé le besoin de rejouer dans les moments graves de ma vie, quand je suis venu ou revenu à la tête d'un orchestre. Oui, d'ailleurs, c'était une excellente idée d'avoir l'ode à la musique au concert d'inauguration, puisque je crois que, en sous-titre, il est écrit pour l'inauguration de la maison d'un ami. Cet ami était d'ailleurs un musicien amateur qui s'appelait Griset, qui jouait, si je ne me trompe, de la viole de gambe, et qui était riche, et qui réunissait des amis chez lui. Et il avait demandé à Rostand de faire un poème que Chabrier avait mis en musique. Saint-Saëns, Fauré, ce sont ceux, avec Paul Ducas, Debussy, enfin, qui ont inauguré le théâtre en 1913. Est-ce que, Gabriel Bouillon, vous pouvez nous parler d'eux ? J'ai très bien connu Saint-Saëns, car les trois dernières années de sa vie, j'ai voyagé avec lui et j'ai donné des concerts en Algérie, car il se soignait beaucoup en Algérie et passait tous les hivers à Alger. Et j'allais le retrouver pour donner des séries de concerts. C'était un homme admirable, un très grand musicien, un très grand génie, inutile d'en parler. Saint-Saëns était un être intelligent et un très grand pianiste, en plus du compositeur. Quant à Fauré, j'ai été sous sa direction au conservatoire, puisque j'ai des élèves. Je l'admirais beaucoup et j'ai joué souvent avec lui sa sonate. Gabriel Fauré passait l'été à Annecy-le-Vieux, chez Madame Maillot, chez laquelle je faisais pas mal de musique. Gabriel Fauré habitait chez elle, et je me souviens fort bien qu'il écrivit le quatuor à cordes et son quintet, là. Il commençait à l'écrire, et il m'a donné la primeur de ce quatuor à cordes que nous avons déchiffré devant lui. Et Dindy ? Oh, j'ai très bien connu Dindy. Il m'a dirigé souvent le double concerto de Bach que je jouais avec mon frère Georges. Et c'était un être merveilleux. Pierre Bertin, qui est le grand comédien que l'on sait, a toujours été un amateur de musique. J'avais connu Saint-Saëns à Lille, où je faisais mes études. Une fois, chez des amis que j'avais à Roubaix, on avait fait venir Saint-Saëns pour entendre un chœur. Vous savez, les chœurs du Nord sont très beaux. Et on avait chanté des chœurs de Saint-Saëns. Je ne sais plus de quel ouvrage. Et Saint-Saëns assistait à cette soirée. Il avait fait un voyage, je ne sais pas, il était peut-être fatigué, il était de fort mauvaise humeur. Et vous savez, il n'avait pas très bon caractère, Saint-Saëns. Alors il arrive à Roubaix, on le reçoit à la gare, comme on recevrait, je ne sais pas moi, un chef d'État. On arrive à la salle du concert, et alors là, on lui chante son ouvrage. Alors là, le vieillard, un peu atrabilaire qu'il était, devient doux comme un mouton. Et en entendant sa musique, bien sûr, et comme elle était chantée par ces admirables chœurs du Nord, « Oh !» dit-il, j'étais à côté de lui, « on dirait de belles orgues. » Fauré, je ne le connaissais pas, Fauré, mais je le regardais avec admiration. Il avait une tête de grand rêveur, vous savez, très douce, un regard extrêmement tendre. Ses longues moustaches de Gaulois lui donnaient un aspect extrêmement d'un Gaulois qui aurait été romanisé, en quelque sorte. Mais alors, quand il vous regardait, quand cet homme se déplaçait vers vous pour vous dire un mot, c'était un personnage qui était tout feutré de tendresse. On ne pouvait pas résister à la tendresse de Fauré. Dindy, lui, c'était un aspect beaucoup plus raide. C'était un Cévenol, n'est-ce pas ? Et c'était un gentilhomme des Cévennes. Il était grand, il avait une petite barbiche avec une moustache, n'est-ce pas, à la mode encore de 1880. Il ressemblait un peu à Rochefort. Il avait gardé un peu l'allure des gens de cette époque. Et sa haute stature en imposait beaucoup. Debussy, n'est-ce pas, qui figurait cette inauguration du théâtre, je l'avais connu en 1912 à l'Odéon. Il était venu à un concert qui avait été organisé par Loïc Fuller. Elle avait monté un ballet sur le Children's Corner de Debussy. Et je crois que c'était pour ça qu'il était venu assister à cette représentation. Alors, quelqu'un me dit, vous le connaissez? Je dis non. Oh ben, voulez-vous faire sa connaissance? Je dis, oh ben, je pense. Et on me pousse dans une loge où il était, dans laquelle il était. Alors je vois Debussy avec cette tête, si maintenant tout le monde connaît la tête de Debussy, soit ce regard lourd et noir, ses cheveux qui tombaient sur son front bombé. Il était dans un coin de cette loge, on me présente poliment, il me dit bonjour monsieur. Et puis, Children's Corner commence. Il n'était pas content du tout, parce que c'était fort mal joué, que la danse était ratée, que ça n'avait aucun intérêt. Alors il a dit, écoutez, excusez-moi, quand ça a été fini, je m'en vais, ce spectacle ne m'intéresse pas du tout. Et il est parti. Passons sur les opéras représentés à l'époque au Théâtre des Champs-Élysées et arrivons-en tout de suite aux ballets russes qui furent un événement extraordinaire dans la vie parisienne, dans la vie artistique tout entière de Paris. Les ballets russes venaient du Théâtre du Châtelet, les voici aux Champs-Élysées. Serge Liffard vous parle de ses débuts. Les premiers spectacles, paraît-il, d'après les témoignages et surtout d'après Diaghilev, c'est que on n'a jamais vu telle richesse dans la salle. D'après Astruc également, que j'ai connu, qui ne pouvait pas oublier justement ce fameux jour. Paraît-il, c'était les bouquets des plus jolies femmes du monde, pas seulement de Paris, que les bijoux étaient les plus sensationnels. Et je dois dire, pendant ces 50 ans, tous les premières portent cet éclat de cette tradition des premiers jours, quand le rideau s'éleva pour la première fois. C'est d'ailleurs curieux, ce sont surtout les danseurs qui sont particulièrement ému par le côté cérémonial, dirais-je, de la salle, les habits, les perles, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'habits. Ossip Zadkine. Diaghilev est arrivé avec sa troupe, on ne savait pas la qualité de ses danseurs et ses danseuses. Enfin bref, c'était déjà le soir, vers 9h, je me suis habillé dans mon smoking, un smoking qui était fait en Russie, avec certaine audace de la part d'un tailleur d'une ville de Smolensk, n'est-ce pas? Et je pensais que si j'avais une petite chemise faite dans la vraie soie, soie de Chine, assez ouverte, une petite cravate noire qui s'en allait vers la soie de du smoking. Et je pensais que j'étais tout à fait adapté pour me promener à côté ou m'être assis à côté des gens bien. Quand j'ai montré mon billet, quand j'ai donné mon billet, il m'a dit, mais monsieur m'a regardé, il ne m'a pas regardé mon nez, mais il a regardé entre la mâchoire et le smoking. Il dit, mais vous n'êtes pas habillé comme il faut. Vous n'êtes pas habillé en smoking du soir. Et il n'a pas voulu me laisser entrer. Mais vous imaginez ma désolation, mon désespoir de ne pas pouvoir voir cette chose étonnante dans laquelle il y avait quelque chose aussi qui vient se mêler aussi la fierté d'un homme qui venait de Russie et enfin des choses. Et voilà, c'était une consécration extraordinaire, n'est-ce pas, de ce qui se passait et ce qu'on faisait en Russie. Et cette consécration va se passer à Paris, dans un théâtre nouveau. Eh bien, il ne m'a pas laissé entrer. Tout à fait amertumé, je cherchais le moyen, comment faire, comment éviter ça, comment trouver le moyen d'entrer. Et je serais allé par derrière, par le passage, et je monte l'escalier en ciment, sinistre, et je me trouve un peu dans une espèce de passage aussi sinistre, et enfin je vois Diaghilev couvert de sueur. Enfin, il était tellement occupé, c'était comme s'il mariait ses filles et ses garçons. Il est marié véritablement à la France. Donc c'était un mariage. Et arrive donc un garçon qui, avec une voix tremblotante, lui dit que c'est, voilà, on ne me laisse pas entrer parce que je ne suis pas habillé en smoking. Il me regarde. Alors là, le père qui marie ses filles et ses garçons était remplacé par un autre père. Il me regarde. Il dit, vous n'avez pas honte? Voilà un homme comme moi, n'est-ce pas, qui est en train maintenant de suer et travailler pour faire quelque chose de bien. Et vous venez me déranger avec une affaire comme ça. Je pense que c'était la seule fois qu'un homme bien plus âgé que moi m'a fait honte. Et je porte cette honte comme maintenant, à mesure que je suis devenu même plus âgé que lui-même, maintenant si on peut dire. Je peux dire, n'est-ce pas, que cette honte que j'avais ressentie est devenue pour moi une sorte de caresse, une caresse d'une main antique qui est venue tout d'un coup effleurer ma figure. Le lendemain, J'ai donc pris un autre billet, et vous imaginez pas ce que c'était pour la bourse d'un garçon, n'est-ce pas, qui vivait avec l'argent d'un père qui n'avait pas tellement que ça. Enfin, j'ai trouvé l'argent, et là, j'avais un petit smoking avec un petit col dur, Gladstone, un col à cette époque qu'on appelait Gladstonien, avec une petite chose noire. Enfin, bref, j'ai ressemblé à tout le monde, et il n'avait presque rien à moi, ni dans mes yeux. Mais il avait surtout, n'est-ce pas, tout ce que je voulais voir si je m'attendais du ballet était enterré en moi-même. Serge Liffard, qui a le sens de l'humour, ne me tient nulle rigueur de ma taquinerie, et il rappelle l'importance extrême de la création du Sacre du printemps de Stravinsky. Nous savons que la plus grande bataille artistique du XXe siècle était livrée justement sur cette scène. Pas dans la création du ballet du XXe siècle de Stravinsky, vous savez, il s'agissait du Sacre du printemps. C'était une révolution esthétique, musicale, décorative, chorégraphique. C'était le plus grand scandale. Malgré cela, c'était les jours peut-être les plus glorieux et des ballets russes et de Stravinsky. Car cette portée nouvelle d'un compositeur russe déjà connu et célèbre par l'Oiseau de feu, par Petrouchka, il apporta enfin les visages nouveaux, des sonorités, des rythmes, et en même temps la scène a présenté cette rite, si on peut dire, populaire russe, ce qu'il a fait cette révolution artistique du siècle. Nous savons que c'était la chorégraphie de Vaslav Nijinsky qui était tout pâle dans les coulisses quand le public manifestait sa désapprobation. Diaghilev me raconta que dans sa loge, il y avait Puccini. Il s'adressa à Diaghilev en disant « Je n'attends plus rien. » Debussy, également qui était à cette première, disait qu'il ne comprend plus rien. Voilà donc les bouleversements de ce jour-là, disons, ce jour historique. Donc 1913 restera un point peut-être culminant de cet mariage de l'art occidental avec l'art oriental. Mais vous savez, le Sacre fut aussi une véritable bataille d'Hernani. Marie Dormoy a d'ailleurs une anecdote à nous conter. Perret m'a raconté une chose extraordinaire qu'il a vue, puisque lui aussi il y était tout de même. C'est que, vous savez, il y a les loges d'aveugles tout à fait en haut. Et puis, il y a le deuxième balcon, n'est-ce pas, en dessous. Mais enfin, entre le dernier rang du deuxième balcon et la loge d'aveugle, il y a bien au moins 2 mètres ou 2 mètres 25, n'est-ce pas, le bord de la loge. Il y a 2 hommes qui s'attrapaient tellement et qui s'injuriaient tellement que celui qui était au dernier rang du balcon a pris l'autre pendant et il l'a fait basculer par-dessus le devant de la loge. Alors, ça a été une pagaille. C'est déjà bien beau qu'ils ne soient pas dégringolés jusqu'à l'orchestre. Enfin, il y a des flics qui sont arrivés, tout ça s'est arrangé. On a emmené tout le monde au poste et on les a calmés comme on a pu. Bien que toute jeune, Lucienne Astruc, qui, je le rappelle, était la fille de l'administrateur du Théâtre des Champs-Élysées, était dans la salle. J'ai un souvenir assez précis et qui est celui d'une bagarre extraordinaire, d'un véritable scandale qui avait lieu dans cette salle à tous les étages avec Montparnasse. À l'époque, il n'y avait rien de plus révolutionnaire que Montparnasse pour les étages des loges d'aveugles, du poulailler, de toutes les troisièmes loges, les secondes loges et aux loges de Corbeil, la violence avec laquelle les dames qui avaient été des pionniers de ce théâtre et qui l'avaient soutenu, qui l'avaient aidé à surgir du néant, s'étaient indignées devant le côté révolutionnaire et de la chorégraphie, et plus encore de la musique, et qui, s'adressant à mon père, lui avait dit « Monsieur, si une plaisanterie comme celle-là devait se renouveler, je me verrais dans l'obligation de vous renvoyer mon abonnement. » On a raconté ce fameux scandale du Sacre, sous différentes formes d'ailleurs, avec beaucoup de fantaisie. Quelle est la vérité? Est-ce que c'était vraiment un scandale d'ailleurs? C'était un scandale absolu, comme je l'ai dit, à cause de la musique et à cause de la chorégraphie, et ça a été dans la salle, une telle indignation contrecarrée par les supporters du spectacle qu'à un moment donné, le brouhaha était tel qu'en dépit d'une orchestration dont je ne vous dirai pas qu'elle est assez bruyante, mon père a été obligé, pour qu'on puisse se faire une opinion, de se lever et de crier « Taisez-vous, écoutez d'abord, vous sifflerez ensuite. » La chorégraphie était de Nijinsky. Eh bien, Nijinsky, que l'on admirait alors pour son spectre de la rose, pour ses sauts extraordinaires qu'il faisait, comme vous le savez, dans ce ballet, pour le nègre de Petrouchka, eh bien, on vit un autre Nijinsky. Et les Parisiens, les vieux esthètes de Paris, la haute société, ne reconnut pas son Nijinsky. Cette fois-ci, Nijinsky était un Russe, un vrai Russe, un Moujik. Il apportait avec lui cette espèce de révolution qui était déjà dans l'esprit russe à cette époque, n'est-ce pas? Ça allait bientôt éclater. Eh bien, Nijinsky portait ça en lui parce qu'il venait du fond de la Russie. C'était le Rasputin, si vous voulez, de la danse à ce moment-là. Et alors, toute cette primitivité, il la portait en lui. Et grâce à la musique de Stravinsky, il a pu faire une chorégraphie qui bouleversait complètement tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Les répétitions du même geste, et cette monotonie des attitudes, et puis surtout la direction des pieds, qui était maintenant tout à fait nouvelle dans le ballet, et ce souci de s'opposer à la pose traditionnelle des danseuses, qui sont, comme vous le savez, toujours les pointes en dehors, et bien cette fois-ci, pas du tout, les pieds étaient en dedans. Pierre Bertin vient de parler de Nijinsky, chorégraphe et danseur. C'est à un danseur, Serge Dufard, de nous dire à présent quelles furent ses plus grandes émotions d'homme du métier. Pendant ma carrière parisienne, j'ai vu les plus grands artistes sur cette scène. Avec quelle émotion j'ai vu pour la première fois Anna Pavlova. J'ai vu la mort du cygne, justement dansée par cette géniale artiste. Eh bien, voici un autre chapitre de notre émission. Il s'agit à présent des ballets suédois que dirigeait Rolf de Marais. Et nous laissons la parole tout d'abord à Georges Auric. Je n'ai jamais oublié ce théâtre des Champs-Élysées. J'y ai vu monter toutes sortes de spectacles. J'y ai vu une troupe qui s'appelait les Ballets Suédois, Rolf de Marais, qui a été un moment brillant de la vie parisienne théâtrale d'après la guerre de 14. On y avait monté des ballets de Darius Milhaud, Honegger, et un que j'avais écrit en collaboration avec mes camarades du groupe des Six, qui s'appelait Les Mariés de la Tour Eiffel, et qui était sur un texte de Jean Cocteau. D'autre part, au Théâtre des Champs-Élysées, sont venus les ballets de Serge de Diaghilev, et pour moi, c'était une chose tout à fait émouvante, puisque c'est précisément la troupe de Diaghilev qui a créé ma première œuvre un peu importante, qui était un ballet qui s'appelait Les Fâcheux, avec des décors de Georges Braque, et ce ballet a été créé en 1924 par Diaghilev, et d'ailleurs, dans le final de ce ballet, il y avait à ce moment-là tout jeune danseur qui jouait, vous savez, à la fin des ballets, le moment où tout le monde est groupé et fait un ensemble plus ou moins brillant, eh bien, il y avait un jeune danseur complètement inconnu qui était Serge Liffard. Je crois que c'est vraiment dans ce ballet qu'il a commencé à figurer dans la troupe de Diaghilev. Et l'année suivante, en 1925, il a créé un second ballet de moins qui était toujours pour Diaghilev, qui s'appelait Les Matelots, et je crois que ce ballet a été pour Liffard, alors vraiment, la première occasion d'avoir un rôle très important, puisqu'il jouait le danseur numéro 1 de ce ballet. Donc vous voyez, quand bien je suis associé d'une part à ces spectacles Diaghilev, qui sont des spectacles pour moi inoubliables, et que d'autre part, le nom de Liffard, le personnage de Liffard, est évidemment quelque chose qui est également pour moi un souvenir assez particulier et vraiment assez émouvant. C'est assez curieux d'être un auteur qui débute, qui se fait entendre pour la première fois, c'est ce que j'étais en 1924, et en même temps, c'est assez curieux également de débuter avec un danseur inconnu, Serge Liffard, à son arrivée en France, et qui, un an après, devient immédiatement un glorieux danseur. Maître, est-ce que je puis vous demander maintenant vos souvenirs pour les Mariés de la Tour Eiffel ? Eh bien, les Mariées de la Tour Eiffel, comme je viens de vous le dire, c'était une création des ballets suédois que dirigeait Rolf de Marais. Évidemment, au point de vue de la chorégraphie, il y avait là des tentatives excessivement intéressantes, mais l'ensemble de la troupe était très différent de celui de Diaghilev. La troupe de Diaghilev avait une série de solistes tout à fait vertigineux. La troupe de Rolf de Marais était excessivement sympathique, jeune. Il y avait d'ailleurs une danseuse qui était une Suédoise charmante qui s'appelait Carina Harry, mais qui évidemment n'était pas Karsavina, il faut tout de même dire la vérité. Mais dans cette troupe, il y avait une jeunesse, un désir d'être nouveau, d'être hardi, excessivement sympathique. Et c'est d'ailleurs pour cela que Rolf de Marais, qui était un personnage très, très, très, très, très bien et rare dans ce milieu si souvent difficile du théâtre, eh bien, c'est Rolf de Marais avait eu l'idée de demander à Jean Cocteau un ouvrage dont il écrirait le texte, dont il s'occuperait, dont il surveillerait la chorégraphie et dont la musique serait composée par ce qui, à ce moment-là, formait le groupe des six. Nous avons donc chacun écrit un numéro pour cet ouvrage. Jean Cocteau en a surveillé la présentation. La chorégraphie était faite par le danseur numéro un, le chorégraphe numéro un des ballets suédois, qui était Jean Borlin. Et les décors étaient faits par une femme d'un très grand talent qui s'appelait Irène Lagu. Les costumes étaient de Jean Hugo. Et évidemment, pour nous qui étions très jeunes, cette première a été un petit événement, puisqu'il faut bien avouer qu'elle s'est passée dans une atmosphère assez agitée. Les gens criaient beaucoup et nous trouvions ça charmant, parce que quand on est très jeune, on aime beaucoup que les gens crient beaucoup. Après quoi, on aime moins ça. Mais à ce moment-là, ça nous paraissait délicieux. Et quand nous rentrions de ce spectacle, nous disions, bien, les gens ont bien crié ce soir, comme c'est bien. Henri Sauguet, voulez-vous préciser ce qu'étaient les ballets suédois ? Les ballets suédois n'étaient pas du tout comme les ballets russes, une grande entreprise luxueuse et magnifique, et qui jouissait d'un immense prestige international. Les ballets suédois étaient tout autre chose, ils étaient beaucoup plus axés sur la nouveauté pour la nouveauté. Et à cause de cela, évidemment, le public ne les suivait pas avec autant de bonne fortune que l'on suivait les ballets russes. Ce qui fait que le ballet suédois était vraiment une entreprise extrêmement aventureuse. Et j'assistais à la première des Mariées de la Tour Eiffel, le ballet que Jean Cocteau avait imaginé pour grouper les musiques de ses amis du groupe des Six et dont Jean Hugo avait fait le spectacle, et en même temps qu'on représentait l'extraordinaire ballet de Darius Milhaud, L'homme et son désir. Ballet qui provoquait toujours une petite bagarre dans la salle, qui d'ailleurs n'était pas tellement nombreuse. Et à ce moment-là, voyez-vous, les ballets ne connaissaient pas l'immense fortune qu'ils connaissent aujourd'hui. On les discutait encore, et il se trouvait des soirs où les ballets suédois étaient fort peu suivis. Je me rappelle encore le maître Engelbrecht, qui dirigeait avec assez de dédain ces musiques qu'il considérait peut-être un peu inopportunes à l'époque. Néanmoins, il la dirigeait fort bien, car c'est sa spécialité de diriger toujours très bien les œuvres qu'il dirige. Et pour moi, jeune spectateur, tout cela demeure confondu. Et chaque fois que je me rends, et je m'y suis rendu Dieu, c'est combien de souvent après, au Théâtre des Champs-Élysées, je ne peux pas ne pas avoir l'esprit encore tout plein de ces premières émotions de jeune homme qui sont restées un des moments les plus lumineux de mon existence. Les Mariées de la Tour Eiffel furent une date non seulement pour les six, mais pour le public et pour vous, Jean Cocteau. J'avais justement pensé à écrire une sorte de pièce comme le Bourgeois Gentilhomme, c'est-à-dire une espèce de dialogue où la musique jouerait le même rôle que la musique de Lully. On avait appelé notre groupe le groupe des six, c'est un journaliste de Comédia qui lui avait donné ce titre, et c'était Auric, c'était Darius Milhaud, c'était Honegger, c'était notre pauvre Poulenc, Germaine Taillefer et Duret. Et ils s'étaient tous réunis pour faire la musique. Évidemment, l'œil est plus sensible que l'oreille. Et alors, c'est le spectacle qui commençait par passionner, par amuser le public. Et puis, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, la salle s'est retournée et c'est devenu un des grands scandales de l'époque. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que, en somme, quand on reprend les Mariées de la Tour Eiffel, on les reprend souvent à l'étranger, on ne les a jamais repris à Paris, mais c'est devenu une sorte de spectacle classique. Oui. Et à l'époque, on croyait que c'était une attaque contre des choses respectables, contre la famille. C'était vraiment la première fois que je faisais une œuvre qui n'était pas mélangée de ce que j'appelais poétique, qui était la poésie à sec, très dure. Mais le directeur du théâtre à cette époque était Jacques Héberteau. Parmi les souvenirs de ma vie de directeur de théâtre, l'un des plus sensibles, sans aucun doute, c'est celui d'avoir sauvé un grand théâtre comme le Théâtre des Champs-Élysées. Sans doute, je ne l'ai pas dirigé longtemps, mais je l'ai pris à un moment où il était complètement mort, ou tout au moins sur le point de mourir. Je crois que je l'ai rénové, je crois que j'en ai fait une scène valable, régulière, et pour moi, c'est non seulement un grand souvenir, mais une grande fierté. Dans la grande compétition de ballet suscitée par Rolf de Marais, un ballet a laissé un souvenir impérissable à Henri Barrault, et ce sont les Balayos. Les Balayos, j'ai l'impression que maintenant on les a un peu oubliés, et naturellement ça remonte tout de même maintenant à une trentaine d'années. Les Balayos sont venus au monde, je veux dire, enfin, sont devenus célèbres du jour au lendemain aux Champs-Élysées, à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, au cours d'une grande compétition internationale de ballet. C'était une espèce de grand concours qui avait été organisé par Rolf de Marais, avec un jury impressionnant de tout ce qu'il y avait de grands chorégraphes dans le monde. On a vu défiler pendant 3 ou 4 jours toutes les grandes troupes de ballet qui, plus ou moins, ont réussi par la suite ou qui avaient déjà acquis une certaine notoriété, et en particulier pas mal de ces ballets allemands comme Wigmann ou comme Rosalie Schladek, l'Autrichienne. Enfin, ça avait été une confrontation extrêmement importante, très brillante. J'avais assisté à tous ces spectacles. Et alors, il y a eu une véritable bombe qui a explosé au cours de ces journées. Ça a été le ballet Jos. C'était un ballet expressionniste allemand qui avait été créé à Essen, dans la Ruhr. Totalement inconnu, absolument personne ne connaissait ça, même dans les milieux de la danse. Ils sont arrivés là, au Théâtre des Champs-Élysées, et ils ont fait un triomphe indescriptible en présentant un ballet expressionniste qui s'appelait La Table Verte, et qui était un ballet contre la guerre. Ça commençait avec une immense table verte autour de laquelle on voyait des personnages bouffons et ridicules qui représentaient des diplomates, et qui se faisait de grandes salamalecs, et puis qui peu à peu commençait à s'engueuler, et puis ça se terminait par des coups de revolver. C'était la première scène, tout ça dans des lumières verdâtres, crues, très l'expressionnisme allemand. À la suite de quoi, les lumières s'éteignaient, et puis alors, il y avait un long ballet, qui était une illustration des horreurs de la guerre. Et puis alors, on retrouvait à la fin la table verte avec les messieurs qui recommençaient à se faire des salamalecs. Et on bouclait la boucle de cette manière-là. Et il faut reconnaître que c'était une démonstration éblouissante de ce que peut être une danse expressive, le contraire absolument de la danse classique, naturellement pas de pointe, rien de semblable, mais une plastique expressive qui était hallucinante. Et ça a fait un véritable boom. Le premier prix a été donné à la compagnie Curtios, qui, à la suite de cela, est devenue tellement célèbre que dans le monde entier, on les a appelés. Ils ont abandonné Essen. Et jusqu'à la guerre, cette troupe de Curtios a circulé à travers le monde en y promenant la table verte. Ils sont revenus 3 ou 4 fois à Paris, mais ils sont allés partout. Ils ont ajouté d'autres ballets, mais aucun qui fut aussi impressionnant et aussi réussi que celui-là. Ça a été un des grands moments de l'entre-deux-guerres. Il circulait partout avec 2 pianos, et il n'y avait pas d'orchestre. C'était une musique faite par un Allemand dont j'ai oublié le nom, très héritée, très inspirée de Darius Milhaud et des pièces de Darius Milhaud à 2 pianos. Très bien faite d'ailleurs, très réussie, très expressive. Enfin, c'était un spectacle étonnant. Et moi, je dois dire que de tous les innombrables spectacles auxquels j'ai assisté aux Champs-Élysées, c'est un de ceux qui m'a laissé le souvenir le plus frappant. Que de souvenirs, que de souvenirs encore. C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure sur cette même chaîne. À l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées, RTF, France 3 National, vient de vous présenter 15 Avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Aujourd'hui, du concert inaugural au Ballet Yos avec Lucien Astruc, Georges Auric, Henri Barrault, Pierre Bertin, Gabriel Bouillon, Jean Cocteau, Marie Dormoy, Michel Dufay, Jacques Héberto, Engelbrecht, Serge Liffard, Manuel Rosenthal, Claude Rostand, Arthur Rubinstein, Henri Sauguet et Ossip Zadkine. Coproduction Jacqueline Arpin, assistant Pierre Cazaret, présentation et réalisation de Pierre Barbier. Cette émission, la deuxième de la série consacrée au cinquantenaire du Théâtre des Champs-Élysées sur la chaîne France 3 Nationale, a été diffusée pour la première fois le 28 mars 1963. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, la suite de Stanislavski au bimillénaire de Paris.